Si si, son des All Mixtape 2008, on est hâte. Si si, ok, check. Fuck fuck, regarde tes gars, j'crains de styliser. Et pop pop, pas tes snaps, fais ta victimiser. Cock cock, bouge ta tête, la frange et la pilité. Pop pop, pour atteindre sa pète, t'y pack ma poche pop. Denja, tes masses et temps sombre. Le doigt de pied sur la détente, car j'mes machines pas marcher sans pompe. Qu'est-ce que tu feras à ma place? J'classe, j'claque, j'ai envie de te ramener ma tasse. Qui j'suis? Ademo, la voix qui te dit c'est as. Viens voir CC, j'ai l'as, pas le roi, mais qui a dit que j'étais un démon? Qui a dit KKO mon cahier? KKO dans mon lait cahier. Au corps, ça en vient qui trahier. En mode cas, c'est l'âge gore. Matinal, port, tative man, or, capital, j'force pas, j'mitraille quand même. Moi, sans score, j'préfère faire comme Zizou qui est calisé. La qualité, on l'a comme t'as pas été. Lecture en cours, j'veux les pifs dans la valise. Ton pif dans ma farine, toute ma mif en Jamaïque. Que ta clique sente la vague. Mon son ne passera jamais en boîte, mais nique sa mère. Ça fait c'est taille, facile les rimes en aïe. Alors pique pique pique paille. Écrit quand je craille, groove taille. Fous le fire, roule le braille. Coume les cailles, coûte le paille, on veut beaucoup de maille. Veux voir la vie en violet, et toi reviens dans 500 E. Flow et son proportionné, aïe ça fait plein d'envieux. Autour il sourit chaude, j'suis comme un paresseux en Chine. J'rappe tellement que j'arrêterai jusqu'à ce que j'parle en rime. Et merde, trop de pile devant des milous. Secoue ma tête, tu feras un bête film à Hollywood. J'sais que j'te rappelle la larme, j'te rappelle la larme du rap. La trop de rats à côté de ma Kafka. Je croquais mon 4-4, y'aura pas de tasse à côté de mon 4-4. Déguisé en Casper, déguisé en affaire. Épicé de l'assiette, répisé sans s'arrêt. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. A des mous mon pote, ferme les portes, on fera des morts, viens pas déconner. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Y'a des mous trop forts, mec c'est corps. Check tes morts, c'est le son, ça fait mort. On fera des morts, viens pas déconner. Oh oh oh oh oh.